Prediger? Yes! Nous avons un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred! Salut Antoine! Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Salut. Salut Antoine. Ouais. Et Mathieu Bouillon. Bonjour à tous. Voilà. Oui. T'es en feu, Mathieu? Oui, c'est parce qu'un de nos podophiles a dit que j'étais drôle puis qu'il voulait devenir mon ami. Oui, oui, oui. On vous rappelle qu'on a plus de 500... podophile. Oui. Il y en a un qui s'est prononcé. Oui. Alors. Mais c'est je suis devenu le parrain de son gars. Ah! Wow. Comment, non. Tu voulais dire non? T'as pas réécouté notre podcast? Comment dire non à être parrain? Oui. Erreur. Son enfant qui s'appelle Mensonge. Oui. Et Calomnie. La jeune Calomnie. Oui, le magazine Mensonge. Le magazine Mensonge. Je le lis. Oui. Alors, j'apprécie. Ça. Nous sommes, ben oui, hein, les commentaires sur Facebook, allez-y, gaiement. Oui. Et nous, on va les lire. J'aimerais remercier le Vieux-Port de Montréal qui nous accueille aujourd'hui. Oui. Ouais. Les autorisations étaient compliquées. Hein, ça a été long, mais on y est. On est bien. Pas trop venteux. Non. Parfait. On le souhaite, pas trop de vent. C'est beau, on oublie souvent. Oui, oui. Ouais. Oh, c'est bon. Et on a résisté à la tentation de faire du segway ou du pédalo. Le plus de bruit possible, bateau mouche. Et Donald Duck. Oui, oui. Le problème, Jean-Philippe, de cette semaine? C'est un problème qui nous vient de Twitter, par RobetSam112, qui nous dit « Comment faire pour que mon frère de 24 ans quitte la maison familiale? » Oh! 24 ans, me semble, c'est pas si terrible. Ouais. Non? Moi, j'ai quitté, personnellement, à 23 ans. Ah ouais, moi, 22. Ouais. À 18, moi. Ouais. J'ai 24, je pense. Antoine, t'habites encore chez tes parents? Oui. C'est un peu bizarre pour ta blonde et ta fille. Non, mais ça va bien. Il y a plein de cultures, Frédéric, à travers le monde, qui accueillent leurs enfants. M'en doutais. Beaucoup plus longtemps. M'en doutais. En Italie, les gens entre 18 et 24 ans qui habitent encore chez leurs parents, c'est 95%. Ah oui. 94 en Espagne, 60% en Allemagne, 54% en Angleterre, et ainsi de suite. Maman. On les appelle les bamboccioni. Les bamboccioni? Oui, les gros bébés. Ah! Oh. Les gros bébés. Et en Angleterre, on les appelle les kippers. Comment t'écris ça, les bamboccioni? Bamboccioni. Bamboccioni. Bamboccioni. Kippers, c'est les kids dans les pockets de leurs parents. Je sais pas trop. Okay. Kippers. Ouais. C'est aussi un dispositif en fait, féminin. Mon message est que c'est pas un problème. Non? Bon, ça ne règle pas le problème. Bon. Non, on peut rester plus longtemps chez nos parents. Et il y a un phénomène de plus en plus, l'effet. Je pense que ça enlève un peu de spotlight à notre podophile, Robert Sam, qui veut voir son frère partir, je pense, pour avoir un peu plus de temps à lui avec la famille. Oui, mais c'était pour circonscrire le problème. Oui, oui, oui. Dans le sens où il est jeune, ça va être difficile. Ouais. Pas seulement une tendance. Il y a même l'effet boomerang maintenant. Boomerang, oui. Non seulement s'assurer qu'il s'en aille, mais qu'il ne revienne pas. Beaucoup de jeunes qui partent, soit étudier ou un premier travail à l'extérieur, en appartement, reviennent chez leurs parents, on le sait, moins d'emplois, les prix du loyer, des ruptures, des gens qui se marient, sont des enfants qui reviennent chez leurs parents. Connaissez-vous des gens à qui c'est arrivé, ça? Quand même, hein? Ouais. Mais il me semble plus des séjours de courte durée, oui, c'est ça. Après une rupture. Après une rupture, revenir deux mois. Ouais. Attention à l'effet boomerang. Wow! Voilà. Ben, je ne sais pas si c'est une question financière. Mm-hmm. Si c'est pour ça qu'il reste à la maison, ben là, il faut y trouver de l'argent. OK. Il a acheté des billets de loto, puis il lui trouve une job. Une fille, une blonde riche. Une blonde riche? Blonde chum riche. C'est la solution à plusieurs choses. Ouais. Mais je pense que le problème aussi, c'est quand tes parents habitent en ville, tu sais, puis qu'ils ont beau spot, puis une belle place, là, mettons, sur le plateau, là, c'est sûr que toi, t'as qu'à aller te payer un trou à rats dans Hochelag, tu sais. Moi, j'ai pas eu le choix, tu sais, mes parents étaient à Rimouski, puis je déménageais de ville, tu sais. Fait que ça, je suis parti tôt, mais si mes parents habitaient ici, là, c'est sûr que ma mère, elle m'essuierait encore après mes besoins à la toilette. Je pense qu'elle vient une fois de temps en temps, le faire? Une fois aux trois semaines, ouais. Fait que moi, j'accumule, puis grosse bédaine se vide. Ouais. Ça devient comme du ciment, à un moment donné. C'est cimenté, ouais, je peux plus changer de sous-vêtements. Mais est-ce qu'on peut identifier qu'est-ce les départs? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir, vous autres? Moi, c'est les études. Les études? J'ai poursuivi mes études à Montréal. J'ai quitté la ville de Québec. Un contrat, une nouvelle job. Un travail, oui. Une blonde. Attirance insoutenable pour une sœur ou un frère. Ouais. Oui, c'est une bonne vouloir changer de ville aussi. Ouais. Vouloir changer de ville. Simplement. Donc, Maltraité. Avoir mal. Les taloches, là, à m'amener. Non, complètement. Surtout que tu peux, tu t'en vas. Avoir mal compris la nouvelle adresse d'un déménagement familial. Oui, puis tu fais juste aller ailleurs, finalement. Tu vas ailleurs, tes parents, okay, c'est mal compris. Canada, Californie, ça oui, ça arrive, ça. Aussi, nourriture pas bonne, on a beau aimer nos parents, à un moment donné, tu manges ailleurs, là. Oui. Tu goûtes des choses au restaurant, plus tu vieillis, plus tu relativises, tu fais... « Hey, c'est peut-être pas bon, cette affaire-là. » Ouais. Son sushi mijoteuse. Exactement. Ouais, des affaires pas d'aller. Affaires barbecue. Ouais, donc... Tons au ketchup. Peut-être une des solutions possibles, ce serait d'élargir les horizons de son frère. Oui. Au niveau culinaire et de la vie en général. Oui, mais convaincre ses parents de déménager. Ouais. D'aller dans plus petit, pas besoin de si grand, pré-retraite, un petit condo. Ouais. Là, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Lui, il ne déménage pas avant son frère. Parce qu'il est plus jeune, j'imagine. Ben oui, mais... Puis ça... T'as pas les moyens, tandis que ses frères... Son frère a les moyens, tu sais. Ouais. Mais non, son frère médecin. Et peut-être s'il calcule... Non, mais... Ouais. S'il calcule combien il coûte à sa famille... Il fait, ben écoutez, donnez-moi ça, puis je vais m'arranger. Oui. Je dérangerai plus. Complètement. Non, mais c'est vrai. J'explore, hein. Moi, je suis parti 7 ans plus jeune que ma soeur. Ah ouais? Fait que je suis parti, ma soeur est 5 ans plus vieille, puis elle est restée 2 ans chez mes parents encore. Puis elle est restée à l'étudier à Rimouski. Elle étudie à l'UQAR, ouais. Ben tu vois, ça fait toute la différence. Ouais. Moi, quand j'étais à l'université, j'habitais chez mes parents à Québec. Ouais, moi aussi. Oups. Ouais. Ah oui, c'est un bon coup de main. Tout ça est normal. Ben moi, j'hésitais entre une voiture et déménager. Hein? Ouais. Finalement, j'ai opté pour déménager. Tu ne regrettes pas? Non. T'as pas de voiture, tu n'es jamais retourné. Et voilà. Ouais. Mais tu sais, il y a des gens aussi. Mais ma mère a déménagé très, très loin pour être sûre que je revienne pas. Ouais. Au moins, tu as une maison mobile. Oui. C'est vrai. Mais il y a des gens qui... Et Walmart, là, nous accepte... oui, c'est vrai. La nuit. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui retardent le départ aussi, mais pour faire un meilleur départ aussi, dans le sens qu'ils s'achètent une maison en partant. T'sais, ils ont pilé de l'argent jusqu'à 26, 27 en restant chez leurs parents. Fait qu'après ça, ils sont plus riches que leurs parents. Ouais. Ah ouais. Ouais. Oh, mais ça dépend aussi de la maison. Parce que quand tu as la maison avec un petit sous-sol qui est... fini, avec peut-être une cuisine en plus, tout ça, là, tu sais, t'as presque ta maison dans la maison de tes parents, là, ça peut, faire mal. Quand t'as une petite chambre dans un bungalow, c'est le même étage, là, c'est exactement la situation chez mes parents, un peu leur voisin. Quand faut que tu mettes... Le moyen de transport est déficient aussi, une serviette au bas de la porte pour vraiment... Le pire, c'est le transport. Ouais. Moi, à l'université à Québec, des fois, ça me prenait 1h15. C'est long, ça rallonge tes journées. Non, mais c'est ça, mais c'est que l'après-midi, tu t'en vas pas nécessairement chez vous. Tu restes avec tes parents. Oui, c'est ça. Mais toi, quand t'es retourné à Québec, t'es-tu retourné chez tes parents? Non. Là, t'avais un appart. Exactement. Donc, il faut qu'il trouve ce qui pourrait attirer son frère à l'extérieur chez eux, comme du fromage. Oui. Du fromage. À la bombe. le faire incriminer. Si elle est en prison, c'est une forme de solution, ça. Oui, après la maison. Bon. Ouais, et puis, tout simplement. Une secte, s'il y a des faiblesses morales, tu sais, comme. Oui, ça, Waco, ça très bien dans les deux cas, il pourrait se faire y aller. Oui, ben oui, via prison ou WACO. Pourquoi pas donner un petit montant à son frère par mois et dire, si tu prends un appart, je te donne un petit montant, ça se peut que j'aille de temps en temps dans ton appartement niaiser dans le salon. Quand je t'en ai, tu as fait ma main, tout ça, puis il donne un 100$ par mois. Pour l'aider. C'est une bonne idée. C'est un bon... ça incite à partir. Ouais. Une pension de paix. Non, mais tu loues un garde-robe chez ton frère. Des fois, tu peux dormir dedans, deux fois. Ouais. Salut! Va chercher ton linge. Sinon, nettoie tes deux longues dents. Ouais. Je suis en garde-robe. Sinon, créer des conflits pas possibles entre les parents et le frère. Là. Tu sais, ouais. Exemple, une erreur impardonnable ou... J'ai vu Simon courir tout nu dans le corridor, la graine entre les jambes, oui. Puis il avait ton rouge à lèvres. Ah! Ça, c'est bon, là, tu sais, comme... Ou, faire croire que le fils a volé de l'argent à sa mère, ou... saouler mère et fils pour qu'ils se pognent. Fait qu'ils ont peur de se confronter. Mais il y a aussi... rester là. Tactique, changer les serrures et changer les clés de tes parents à leur insu. Oh! Mais pas celle de ton frère. Fait que là, le frère reste, mais les parents... Il pas cogner, il comprend le message. C'est ça. Il s'en va. Mais, tout est arrivé ma clé marche plus, donc j'habite plus ici. Ah, je me suis trompé. Il est tellement tombé dans le panneau, là. Tout a fonctionné. Ouais. Comme dans la main qui laisse l'enfant. Lui faire visionner des épisodes de la vieille sitcom québécoise Bungalow Blues... Où c'était des jeunes pas bons qui restaient comme longtemps chez leurs parents. Là. Quand est-ce que c'est pas une bonne solution, ça? Ça, là, ça... Je pense que c'est au pitch de l'émission. C'était déjà pas une bonne solution. À la première rencontre de création. Ouais. Savoir choisir Francine Ruelle comme mère aussi. Ouais. Mais s'il s'ennuie du bungalow, son frère veut revivre cette expérience de maison-là, il y a peut-être moyen de se regrouper avec certains de ses amis, convaincre ses chemins. Il y avait du monde qui faisait ça à l'Université Laval, d'impro, non? Ah ouais? Ouais, c'était inacceptable. Là, c'était dans un but, non pas d'études et de quiétude, mais de party inacceptable. Il y avait loué une maison, mais à 12, pour une année, tu sais. Ça devient un genre de frat house. Là. Exactement! Wow. Mais donc, là, t'es dans une maison, t'as un petit terrain, tu sais, c'est pas l'appartement. À chaque mois, tu désignes les parents. Voilà. C'est drôle. Là, c'est assez! On se couche! Moins fort! Ouais. Non, des beaux parties. Comme le personnage de Joey Scarpellino dans Les Parents, là, vas-tu partir de la maison à un moment donné? Ben, il est bien, tu vois, là, c'est ça. Si ses muscles passent plus... Ben, c'est ça. Je pense que là, pour l'instant, il est tellement cut qu'il faut qu'il se mette en petite boule dans sa chambre. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Avant d'emprunter les clés de l'auto... Faut pas l'enrager, hein, bien vert. Ouais. En effet. Alcalino. Ouais. Oh, Alcalino terreux. Non, mais je pense, les solutions comme ça, ben, c'est ça. Déménager, un long, long voyage. Ah oui, oui, faire découvrir des choses, j'ai vu ça dernièrement dans Modern Families, ils vont faire un voyage sur un ranch. Finalement, il y en a un qui reste là. Quand même. Génial. Ah, ouais. Les termites. Ouais. Quand les termites attaquent une maison, c'est terrible. Ouais. Ouais. Le traitement de ça est très vermi. Mm-hmm. Il faut que tout le monde s'en aide, la maison, pendant un bout de temps. Comme des pourraient prendre le. T'introduis des termites. Comme des putains. Ils mettent vraiment la maison dans une grosse enveloppe en plastique. La housse, là. La grosse housse totale. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que tu dois quitter, genre, pour 6 mois. Là, c'est une belle occasion. Ils laissent pas un appartement par force des choses. Puis finalement, quand on en arrive pour intégrer, il fait « Ben non, ça va, je suis très bien, moi. » Faut qu'il y goûte, je pense. Mmh. Ça, c'est vrai. Peut-être qu'il faut qu'il convainque le meilleur ami de son frère. Ouais, de partir. De partir en colocation. Ça, c'est peut-être plus simple. Ça devient pas personnel dans ce cas-là. Il réussit à avoir son affaire quand même. C'est vrai. On part pas tout seul. Pas au début, c'est rare. Au début, le fait, mais on part pas. Ouais. C'est rare que... Et ton frère, c'est dans le temps que les logements coûtaient 57 pièces. Non, je pense qu'il payait pas. Et on payait mon frère pour qu'il habite là. Tu sais, des fois, peut-être que le kid veut pas quitter parce qu'il y a comme, justement, là, un attachement à une espèce de figure maternelle. Fait que peut-être qu'il peut trouver une genre de maison de pension ou de chambre en ville, là, avec Louise, puis le gars qui vend des céréales. Là. Mais voyons là. Ah, le chansonnier. Hein? Le chansonnier Claude Gauthier. Claude Gauthier, il est parfait. Il y avait des scènes où ça mangeait des céréales dans cette émission-là. Sur le piano. Mangeait juste des céréales. Beaucoup de céréales. En faisant du ski. Ouais. Patricia puis Gilbert. Oui. Ah, j'écoutais pas ça. T'écoutais pas ça, maman? Non. Je faisais de l'impro. Au revoir, Carolie. Mais, ouais. Non, mais en tout cas, trouver ça. Mon père, moi, il a la drogue là-dedans. La drogue, tu sais. Oui, ça dessine les familles. Les parents te jettent dehors. Ouais. Donc, peut-être le droguer à son insu. Caché de la drogue. Dans sa bouffe. Oui. Ouais. Puis là, finalement, il va habiter dans la rue ou il va overdose. Parfait, ou quelque chose genre. Bon, évidemment, ça, c'est sa solution à lui, c'est de tuer. Et c'est lui qui nous écrivait tout le temps ça. Oui, c'est oui. Bon, ben, gars, qui vas-y, tue. C'est là que ça se passe. Fratricide. Ouais. Fratricide. Une fois qu'il est lancé, papa, maman. Ça part tout, là, mais là, c'est un autre problème, là. C'est comment... Ouais. Parce que ça, tant qu'à ça. Tu veux pas te faire progrès. Ouais. Puis tu sais, des fois, les jeunes, il me semble, ils ont le besoin de partir. Des fois, pour vrai, là, c'est l'influence que les parents exercent, là. Ça va te coûter bien trop cher. T'es bien ici, moi, je fais ton lavage. Et t'as résisté à ça, Mathieu? Oui! Hey, non, mais pour vrai, sincèrement, là, c'était ça, là, tu sais. Lucor, ils ont des beaux programmes en administration. Ah oui. Si t'es resté là, t'auras encore plus de mèches. Hey, j'aurais peut-être des mèches. plus de mèches. J'aurais plus de mèches. Pourquoi pas mettre le feu dans la chambre de son frère? Ah. Un feu très localisé, juste dans la chambre. Oui. Hey, il y a eu un feu dans ta chambre. Je sais pas ce qui s'est passé. Les assurances te payent un appartement. Oui. Ou un bris de tuyauterie. Ouais, là, mais en haut, ça... Je sais pas s'il y a un étage en haut, mais tu sais. Ok, fait que ça ballonne. Ouais, il y a une moufette qui est passée dans ta chambre. Une moufette juste dans sa chambre. Une moufette qui fait. Tu l'inscris à un échange international. Oui. Wow. Oui, ça, c'est l'Allemand qui va te remplacer pour les 6 prochaines années. Ils t'attendent là-bas en Allemagne. Qu'est-ce que tu fais? Des concours, ouais, aussi. Tu l'inscris en plein de concours. Le convainc de l'Ose olympique. Olympique. Je te regarde, t'es en forme, toi. T'as des grosses cuisses. Pas game. Toi, pas game. Un peu. Hey, il y a de la graine de champion, là. Oui. Il y a aussi l'armée, la marine. L'armée, belle idée. Les cadets de l'air. Ouais. Le brocochot. Les enfants qui ont été là sont jamais revenus, hein. Non. Vraiment pas. Ils ont disparu. Ouais, elle, c'est comme la joueuse de flûte de Hamelin, là. Ouais, les rats. Puis ouais, elle les amène avec ses fucking boots. Attention avec tes pieds, là. Tu vois. Moi, c'est une formation d'environ 6 mois pour faire le brocochot. Oui, là, je pense que oui. Un régime, un stage. Du bungee. Oh, arrêtez, là! Hein? C'est pas drôle. OK. On va avoir un petit break pour faire du jury duty. Crime! Don't get me started! T'as-tu hein? Ça? Ben, j'ai vu ça passer. J'ai reçu une sommation pour être juré. Ah oui? Oui. Puis, ben, c'est le 9 juillet. Il va y aller, il va se faire questionner par les avocats, puis il va s'arranger pour le faire. Ben, l'expérience citoyenne m'intéresse. Ouais, je comprends. Je pense que ça me tente. Ton employeur est obligé d'accepter. Ouais. On en parlera hors d'onde, là, parce que là, c'est pas une longue cause, là, tu sais. Ça en va, 6 heures. Ben, dans ce cas-là, tu sais, je te conseille de pas y aller avec ton costume de Star Trek. Non, ouais, c'est ça. Comme d'habitude. Je sais. Malgré qu'il y a cette. La madame, là, qui travaille en Star Trek, là. As-tu déjà vu ça? Non. Ah, elle la madame qui travaille à qui est toujours déguisée en Star Trek, là. Elle est impeccable. Elle a son phaser. Ouais. Elle travaille sur l'Enterprise? Non, dans une imprimerie, je sais pas trop, là. Okay. Place bien normale, là. Ses collègues font. Non, elle est correcte, elle est bien organisée. À Montréal ou. Non, je sais pas, c'est une affaire sur les truckies. Ouais. On s'éloigne. C'est parce que c'est une imprimerie qui est certifiée ISO 9002, fait qu'elle, là, s'est dit. Ça se passe en l'an 9002, cette affaire-là. Non, mais Star Trek, c'est pas si loin que ça. Non? C'est en 2004-5. C'est-tu vrai? Ouais, Donc c'est dans les... Ah ouais, c'est pas si loin que ça. Au niveau de la fiction, c'est en 1645, je pense. Ah oui. Au niveau du développement des moteurs. De la... s'arranger pour que sa blonde tombe enceinte. Oh! La mettre en ballon. Tu vas commencer les trois dans le champ. Il y avait un podcast là-dessus où tu parlais de mettre enceinte sa blonde à son insu. Oui. Ouais. Donc, allez réécouter ça. Crever les préservatifs. Oui. Tirer soi-même la semence de son frère. Ah! Oh. La pénétrer très rapidement pendant qu'elle mange quelque chose d'extrêmement bon. Ah! Les deux vont faire. Genre un risotto. Là, Morgan! Je connais rien aux femmes, je sais pas. Je sais même pas si ça se peut. Ouais. ils vont mêler les deux réactions. Parce que se faire fourrer vite. D'ailleurs, la mère de l'enfant d'Antoine aimait beaucoup le risotto. Je dis seulement. La comédienne Marie-Josée Croze. Arrête de faire du bruit. Oui, pardon. Tu sais, engager des fiers à bras. Quand ça y est, ton frère. Des goons. Tu t'en vas. T'es pas voulu dans ce quartier-là. C'est des bons durs, ça. Faire venir quelqu'un qui dit que la pièce est hantée. De son frère. Oui. Chante des vibrations. Chantal Lacroix. Comme ça, tu fais un petit montage, puis au générique, tu dis très rapidement que c'était juste le frigidaire qui était collé sur le mur. Ouais. Exactement comme dans l'émission de Chantal Lacroix. Ah, c'est que c'est épais. Ah oui. Ou c'est quoi, Lisa, quelque chose, là, dialogue avec les morts. Là. Oui, Lisa, aussi. Ouais. Lisa, là. Ben... On te souhaite bonne chance. Mais si vous en avez des solutions, hein, écrivez. Sous le vent. Message où l'on présente ce podcast-là sur notre page Facebook. Faites des commentaires. Ouais. Et proposez-nous vos problèmes par Facebook. Le groupe Pas de problème. Sinon, Pas de problème sur Twitter. En personne, si vous nous croisez dans la rue, arrêtez-moi. Je ne gêne pas. Donnez-moi votre problème. Je le règle peut-être sur place. @gmail.com à des courriels, hein. Ouais. Si vous voulez garder votre petit côté anonyme, là. Ouais. Ça dépend où on se croise, par contre. Hein? Ouais. Tu sais, mettons, toi, quand tu donnes des reins, mettons, ça te tente pas de te faire déranger. Ben là, je l'ai fait une fois, là. Je pense pas que je vais en faire. C'est un problème par rapport à l'opération, hein. Tu donnes des. Bon, merci pas sonore. Non. Oh, mais bing! Voilà. On va les snobber. As-tu quelque chose d'autre à rajouter? Hé, le concours! Oui! On lance pas le concours! Même moi, je me rappelle plus c'est quoi. C'est le concours pour changer le monde! Oui! Ouais! Avec le moins d'efforts possible. Yeah, c'est moi, ça! Donc, voilà. Et Mathieu, le mot de la fin? En tap dance. C'est le problème, nous avons un podcast!